Hallelujah. Parole d'espoir. Une production de l'Église baptiste du plein évangile. Émission d'évangélisation et d'édification. Présentation, pasteur Ernest Ayé Touali. Dieu est un Dieu de justice et d'équilibre. C'est ce que nous allons essayer de démontrer à travers les Écritures pour donner espoir à ceux qui ne se sentent pas aimés, à ceux qui se sentent rejetés et qui attendent que Dieu leur fasse justice. Si c'est votre cas, restez avec nous pendant les 15 prochaines minutes. Nous avons une parole d'espoir pour vous. Commençons par écouter un chant qui va nous faire du bien à nous tous. Il y a donc de l'espoir pour vous. Si vous êtes dans un milieu où vous sentez tout autour de vous la haine, l'animosité, les gens vous prennent en aversion. Ils sont pleins d'inimitié contre vous. Même quand ils vous voient, ils éprouvent du dégoût et de la répulsion, à la limite même du mépris. Vous vous sentez rejeté et vous êtes constamment frustré. Dieu a une parole d'espoir pour vous. Ça peut être une femme au foyer qui ne se sent pas aimée soit par l'époux, soit par la belle famille. Ça peut être un jeune qui vit chez des personnes, peut-être même chez ses parents, mais qui ne se sent pas aimé au milieu des autres enfants de la maison. Ça peut être un employé qui fait de son mieux pour plaire au patron, mais plus il s'efforce, plus le patron le hait, plus le patron le méprise. Dieu va rétablir l'équilibre, pourvu que vous soyez dans une alliance avec lui par Jésus-Christ, son Fils. Toutes les situations que je viens de dépeindre ne sont pas faciles à vivre et elles font que plusieurs ont constamment la mort dans l'âme. Ils sont même dégoûtés de la vie. Mais est-ce que Dieu garde vraiment le silence devant cette affaire? Nous allons voir des cas dans la Bible qui montrent que Dieu est un Dieu de justice et d'équilibre. D'abord dans le livre de la Genèse, au chapitre 29, verset 31. C'est l'histoire de Jacob et de ses deux épouses, Léa et Rachel. Jacob aimait Rachel, mais il n'aimait pas Léa. La Bible dit, Genèse chapitre 29, verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Dieu n'a-t-il pas rétabli l'équilibre? L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde. Et Rachel, qui était aimée, est restée stérile pour que Léa, par l'équilibre de la fécondité, soit consolée quelque part. Là où on ne vous aime pas, là où on vous hait, là où on vous méprise, Dieu vous donnera quelque chose qui va rééquilibrer votre vie, pourvu que vous soyez en alliance avec lui. Dans le même livre de la Genèse, au chapitre 37 et au chapitre 39, nous voyons l'histoire de Joseph. La Bible dit que ses frères ne l'aimaient pas. Et comme ses frères ne l'aimaient pas, ils ne lui parlaient même pas avec amour. Et un jour, ils ont décidé de le tuer, mais ils ont changé d'avis et ils l'ont vendu comme esclave. Ça, c'est au chapitre 37. Vendu comme esclave, il se retrouve en Égypte, seul, loin des parents. Que va faire le Dieu de justice et le Dieu de l'équilibre? Je lis Genèse 39, verset 1 et suivant. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dieu n'a-t-il pas rétabli l'équilibre et fait justice? Il était au milieu de ses frères. Son père l'aimait, mais ce sont ses frères qui le haïssaient. Ils ont décidé de le vendre pour qu'il souffre. Mais contrairement à ce qu'ils attendaient, Joseph a prospéré dans son esclavage là-bas en Égypte. Le verset 5 dit ceci. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Alors, l'Égyptien abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Dieu est un Dieu de justice et d'équilibre. Je souhaite que vous soyez en alliance avec lui par Jésus-Christ et que là où dans votre famille, vous ne vous sentez pas aimé, là où dans votre travail, vous ne vous sentez pas aimé, dans quelque milieu que vous soyez, si vous ne vous sentez pas aimé, que le Dieu de toute justice et de tout équilibre vous fasse justice et qu'il donne un équilibre à votre vie. Lisons dans le livre de l'Exode, au chapitre 1. Le chapitre 1 du livre de l'Exode montre comment le peuple de Dieu souffrait en Égypte et quelles dispositions les Égyptiens avaient prises pour le réduire à l'esclavage, le faire souffrir, l'opprimer, pour lui enlever tous ses droits. Le verset 12 dit ceci. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Je souhaite qu'il en soit ainsi pour vous. pourvu que vous soyez en alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Dieu est un Dieu d'équilibre. Dieu est un Dieu d'équilibre. Plus on vous accable au travail, plus Dieu vous élèvera. Plus on vous accable, plus Dieu vous élèvera. Plus on vous frustrera, plus Dieu vous consolera. Parce que Dieu est un Dieu d'équilibre. Que ce soit en famille, que ce soit au travail, dans la vie de chaque jour, même dans votre confession religieuse, vous pouvez ne pas vous sentir aimé par vos co-religionnaires. Ça peut arriver, mais Dieu vous fera justice. Car il est un Dieu d'équilibre et un Dieu de justice. C'est justement pour cela que Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus est venu pour établir l'équilibre, pour que celui qui n'était pas aimé se sente aimé. Celui qui était rejeté, qu'il soit accepté. Avant que Jésus ne vienne, la vie religieuse en Israël gravitait autour des Juifs. Les Grecs, les païens, les gentils n'étaient pas connus. Mais Jésus est venu pour mettre fin à toutes sortes de discriminations. Il est venu pour qu'il y ait un seul peuple. C'est pourquoi dans le livre des Galates, au chapitre 3, verset 28, l'apôtre Paul dit, « En Christ, il n'y a maintenant ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave. » Le sang de Jésus nous met tous au même dénominateur. Le sang de Jésus nous donne tous la même valeur, afin que en Christ, nous ayons tous la même valeur spirituelle. Celui qui a le Christ, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, je souhaite que ces paroles vous fassent du bien et vous donnent la force de vous jeter dans les bras du Seigneur Jésus-Christ, afin que par lui, votre vie soit équilibrée et que vous soyez consolés. N'hésitez pas, jetez-vous dans les bras du Seigneur. Il vous bénira, il vous consolera, il vous donnera espoir. Lui seul peut vous aimer de l'amour que votre entourage ne veut pas vous offrir. Que Dieu vous bénisse. Si vous vous sentez personnellement interpellé par Dieu à travers ce message, et si vous désirez rencontrer un membre de notre équipe de prière et de relations d'aide, vous pouvez nous contacter au numéro suivant 06 57 62 19. Je répète, 06 57 62 19 ou bien au 49 49 51 08. Je répète, 49 49 51 08. Peut-être voulez-vous partager ce message avec une de vos connaissances. Vous pouvez passer commande du CD auprès de notre équipe de production au même contact ou aux adresses qui vous seront données dans notre générique de fin. Au revoir et à bientôt. Vous venez de suivre Parole d'espoir, une émission d'évangélisation, d'édification et d'encouragement produite par l'Église baptiste du plein évangile. Si vous avez besoin d'aide, écrivez-nous à notre adresse postale Parole d'espoir 21 BP 347 Abidjan 21 ou à notre email parole d'espoir 77@yahoo.fr. Au revoir et à bientôt.